Ici Raymond Poirier. Du lundi au vendredi, avant 9h, tout est possible. Actualité, société, culture et plus encore. Performances en direct, entrevues aux multiples saveurs, regard neuf sur l'actualité d'ici et d'ailleurs, rencontres avec des collaborateurs dynamiques. Non, vraiment, on parle de tout. De l'économie à la politique, en passant par le théâtre, la musique et des dégustations de vins, de whisky. Tout ça et plus encore au plus matinal des retours. Avant 9h, tout est possible. Votre réveil à l'antenne de CKRL de 7h à 9h. Microphone feed. La radio des découvertes. 89.1. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est avec vous pour un petit 2 heures. Je vous ai trouvé plein de bonne musique cette semaine. À noter, l'émission est en balado-diffusion, mais malheureusement, la semaine passée, dû à un problème technique, l'émission est malheureusement pas disponible. Donc, on va se rattraper ce soir. L'émission va être disponible dès demain. Je vous rappelle que pour accéder à la balado-diffusion, vous vous rendez au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Qu'est-ce qu'il y a sur le blog? Ben, à peu près toutes les playlists des émissions sont sur le blog. Vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Donc, je vous invite à venir faire un tour. Des fois, je poste des vidéos aussi des artistes. Donc, c'est un petit peu plus que le contenu que vous entendez radio. Ce soir, on va débuter avec une étiquette qui nous vient de l'Allemagne qui s'appelle Jug Shuttle, une étiquette vraiment intéressante. On va entendre Our Foolish Pride, la pièce Cloud Kill No. 9. Ça va être suivi par On the Edge of Despair. Je vous reviens par la suite pour l'émission Web Music. Thank you.

définitivement une pièce pour les amateurs de distorsion. C'était la pièce On the Edge of Despair. C'était précédé par Cloud Kill No. 9. C'est sur l'album éponyme de Our Foolish Pride, un artiste qui est sur l'étiquette allemande Jug Shuttle. On poursuit avec une étiquette de la Bulgarie cette fois-ci qui s'appelle Dusted Wax Kingdom. Je vous en ai déjà fait passer à l'émission. Une étiquette que j'aime beaucoup. On va entendre à cette belle journée presque d'été, on va entendre Throwing Snow, la pièce Twinkle Toe. Ça va être suivi par Diosh. Pour tout de suite, Twinkle Toe de Throwing Snow. We'll be right back. C'était le groupe Throwing Snow. C'était deux pièces tirées de l'album In the Myth of Your First April. C'est sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, une étiquette de la Bulgarie. On se déplace maintenant du côté de l'Espagne avec l'étiquette Miga. On va entendre No More Music Committee. On entend deux pièces par cet artiste. La première qui s'appelle At Your Convenience 2. Ça va être suivi par Els. Les deux pièces sont tirées de l'album Folk Hero. Donc, No More Music Committee. She sat at a teetering picnic table. Who's toxic? We'll be right back.

C'était Wet Lull, une pièce sur l'album Sunflower par l'artiste Slava. C'est sur l'étiquette Moment Sound. Sur la même étiquette, on va entendre Locua, la pièce Coupe de Ville. Puis ensuite de ça, ça va être YEA. Deux pièces qui sont sur l'album Trails. Il y a l'étiquette Moment Sound qui recherche un designer pour leur page web. Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à vous rendre sur le site de l'étiquette et de les contacter pour leur proposer vos talents. Donc, pour tout de suite, Locua avec Coupe de Ville. Thank you. C'était la pièce YEA, ou si vous préférez YEA. C'était précédé par Coupe de Ville, deux pièces qui sont sur l'album Trails par Locua. C'est sur l'étiquette Moment Sound. On va entendre un autre artiste qui est sur la même étiquette. Il s'agit de Garo. On entend la pièce Blue Ten. Thank you.